Est-ce que l'Europe est toujours synonyme de paix? Eh bien, c'est l'article 42 du traité sur l'Union européenne, le TUE, qui impose l'OTAN comme garant de la sécurité de l'Union. C'est tout de même insolite pour une Union européenne qui a été bâtie pour faire rempart aux grands blocs étrangers. Parce que l'OTAN, c'est tout de même Washington. Et que la politique étrangère des USA, elle se définit par ce qu'on appelle le choc des civilisations. Il suffit de lire Huntington et Brzezinski. Et puis ensuite, lorsqu'on voit la carte des bases de l'OTAN et qu'on voit toutes ces guerres dans des pays pas très blancs auxquels l'Union européenne et la France ont participé, et sans parler de la violence qui règne désormais au sein de l'Union elle-même, on peut tout de même se demander si vraiment l'Europe, c'est la paix.